mon compte en banque. Que proche du néant. Ma pauvre Cécile, j'ai acheté trop de diamants. Je n'ai plus de sous en poche. Et je suis à découvert. J'étais premier du serveur. Oh, quand j'étais Liamson, j'avais une belle vie. Toutes les expansions dans mon voisinage, je m'étais fait un nom. Je n'étais pas le pire, peut-être même le meilleur. Je m'éclatais comme une bête. Oh, quand j'étais Liamson. Un soir en GCG, sans grand maladresse, je les ai défoncés. Easy. Je leur ai fait les fesses. Je faisais tout en auto, sans aucune perte. Oh ouais, j'étais frappadingue. Et quand j'étais Liamson, pas de soucis de ressources, de trésorerie. Et toutes mes recherches, je pouvais les diamcer. Dans le pire des cas, je pillais mes voisins. Ils se lamentaient tous en MP. Quand quoi? Quand j'étais Diamseur. Ma pauvre Cécile, et je n'ai plus un diamant. Mes 57 puits au souhait sont tellement radins. Je pleure avec mes yeux des larmes de sang. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je me fais double paronie. Mais j'ai quand même cassé pas mal de cul. Ça m'excite le zizi. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je me fais doubler par ironie. J'ai quand même cassé pas mal de cul. Et ça, ça m'excite le zizi. J'étais Diamseur, la belle époque.